Se sortir de l'hypnose de masse, enregistrement réalisé au mois de septembre de l'année 2025. En fait, à mon avis, c'est une chose fondamentale pour toute personne qui connaît un processus d'individuation de la conscience. C'est sortir de toutes les choses qu'on peut prendre pour acquis en lien avec le phénomène de l'acculturation. Dans le sens, est imprégné par une culture, est imprégné par la masse. Et puis, pour y arriver, il y a plusieurs voies. Donc, il peut y avoir une voie à travers des observations individuelles, honnêtes et réelles par rapport à certains phénomènes dans lesquels, par rapport auxquels on est exposé. Mais aussi, ça peut passer à travers, entre autres, des lectures. Présentement, je lis régulièrement les livres de Yuval Noah Harari. J'ai terminé récemment le livre Sapiens, après avoir lu le livre aussi Homo Deus, l'homme Dieu. Et là, je suis en train de lire son livre le plus récent, c'est-à-dire Nexus, qui date de 2024. C'est toutes des briques, hein? En passant, c'est des livres qui ont plusieurs centaines de pages. Puis des fois, il amène des choses intéressantes que j'ai le goût de commenter. L'un des moyens de sortir de l'hypnose de masse, c'est-à-dire la suggestion, c'est de prendre un recul historique. Comme par exemple, par rapport au phénomène de la justice, on peut être suggéré en écoutant des bulletins de nouvelles ou des gens de notre environnement que certaines choses sont justes ou pas, mais c'est de regarder qu'il y a une dimension imaginaire par rapport à la justice ou construction sociale. Puis je trouve que Yuval Noah Harari, à travers les propos tenus dans ses livres, le fait très bien ressortir. À un moment donné, il parle du code d'Hammurabi, qui est un des plus anciens codes juridiques qui existent au niveau de l'histoire, donc qui date d'avant Jésus-Christ, qui est par rapport naturellement au roi Hammurabi de Babylone. Qui est célèbre, entre autres, par rapport à la loi du taillon, là, l'œil pour œil. Bon, ben, c'est sûr qu'avec les yeux qu'on a aujourd'hui, on peut regarder certains éléments par rapport à ce code de loi ancestral puis dire que ça n'a pas de bon sens. Mais les gens de cette époque ou de d'autres époques du futur peuvent regarder les codes de loi des gens qui vivent en Occident et d'évaluer que ça n'a pas d'allure. Mais comme nous autres, on peut être hypnotisés ou imprégnés par le Zeitgeist, c'est-à-dire l'ère du temps, bon, on va trouver que notre code de loi a de l'allure en fonction de nos croyances, nos valeurs et les choses qu'on a introjectées, fait sien de la culture dans laquelle on baigne. Par rapport au code d'Hammurabi, bien, il donne l'exemple d'un homme qui va tuer une jeune fille. Eh bien, selon le code d'Hammurabi, l'homme qui va tuer, par exemple, une jeune fille, il n'a pas à être puni. En fait, c'est que si l'homme a une fille, sa fille va être tuée pour rétablir l'équilibre. Donc, imaginez, avec une perspective qu'on peut avoir aujourd'hui sur le plan juridique, on peut voir ça comme une abomination, alors qu'à une autre époque, c'était quelque chose d'acceptable. Donc, les choses changent avec le temps. Imaginez la jeune fille qui apprend qu'elle va devoir être tuée parce que son père a tué la fille d'un autre homme. Alors qu'elle a commis aucun crime en tant que telle, c'est pas elle qui a tué l'autre fille, là. Mais elle doit être punie pour établir une forme d'équilibre en fonction du code d'Hammurabi. Fait que là, c'est juste pour nous expliquer à travers ça, puis nous sortir un petit peu de l'hypnose, nos constructions sociales, puis nos a priori, que autre temps, autre mœurs. C'est sûr qu'avec le recul, je me dis, bien, je suis heureux de ne pas être à cette époque-là dans la Babylone ancienne parce que je trouve ça pas de bon sens. Mais c'est en lien avec ma perspective. Notre perspective, c'est d'autres choses. Donc ça, je vous amène la question de l'hypnose de masse dans un premier temps au niveau intellectuel. Mais ça a une fonction aussi de sortir de ça, de sortir d'une forme de spiritualisation, de naïveté. À un niveau intellectuel, le travail de déconstruction ou de remise en question de nos croyances, nos valeurs, toutes les choses qu'on intègre dans notre environnement sans s'en rendre compte parce que justement, ça se fait d'une manière subtile, souterraine, hypnotique, à force, entre autres, de répétition ou d'imprégnation d'idées. Donc, à force de répéter quelque chose, les gens finissent par y croire. Donc, un adage qui dit ça. Bien, c'est un travail de déconstruction que, bon, à un certain niveau, à travers ces livres, Yuval Noah Harari peut nous amener à faire. C'est intéressant, mais on peut aller plus loin que ça, là, c'est sûr. Mais ça, c'est dans un premier temps. Pour monsieur et madame tout le monde, là, la masse au niveau intellectuel, un travail plus à caractère, je vous dirais, universitaire, de réflexion, mais c'est sûr qu'on peut aller au-delà de la réflexion avec un travail plus vibratoire. Mais juste à revenir à Yuval Noah Harari, un des éléments que je trouvais intéressant, c'est qu'il disait que la justice humaine, à quelque part, c'est lié à des créations imaginaires, puis des consensus collectifs en ligne, des croyances partagées. C'est pas quelque chose d'objectif comme par exemple la loi de la gravité universelle ou des lois de la physique qui sont non discutables, dans le sens que si la plus grosse masse attire une masse qui est plus petite par une forme d'attraction, comme la pomme qu'on va attribuer à Newton qui a tombé sur la Terre parce qu'elle est attirée par la force gravitationnelle que représente. Qui génère la planète terrestre en tant que masse plus grande que celle de la pomme, ben ça, les gens ne remettent pas ça en question. Tandis que la question à savoir, est-ce que c'est bien qu'une autre jeune fille meure parce qu'il y en a une qui a été tuée comme châtiment, ben là, il y a des variables psychologiques subjectives en lien avec ça. Donc, dans la justice, c'est une compréhension qu'il y en a. Que c'est de l'ordre du subjectif, de l'interprétation. C'est en fonction de chacun, les valeurs des croyances. Donc, c'est plus difficile à départager. Par rapport à ça, qu'est-ce qui est juste ou pas? Parce que ça implique des individus, alors que d'autres éléments, c'est des trucs objectifs. Mais lui, c'est sûr qu'il m'amène à réaliser que la question de la justice, ça demeure tout le temps teintée de construction sociale ou subjective. C'est ça le point. Mais sinon, au niveau de la déspiritualisation, je trouvais intéressant que ce qu'il disait, c'est que le phénomène de la mort a été interprété dans le passé de l'humanité, des superstitions, des croyances. Puis, il disait qu'aujourd'hui, avec une compréhension scientifique, on va voir entre autres la mort comme étant tout simplement le résultat d'un problème technique. Donc, voir ça comme un technicien. Comme par exemple, la personne va mourir parce qu'elle a l'artère cardiaque bouchée et le sang ne circule pas d'une manière adéquate. Donc, le cœur arrête de fonctionner et la personne meurt. Donc, c'est une vision technique de la mort. C'est pas la mort est le résultat d'un karma parce que là, la personne n'a pas été fine dans une autre vie. Fait que là, il faut qu'elle expie d'une crise cardiaque pour connaître un rééquilibrage d'énergie. Il y a une vision très froide de la mort ou de certains phénomènes. Puis là, tu regardes ça, puis des fois, c'est un petit peu quasiment tragique, dans le sens que si c'est un problème technique, la mort, par rapport au corps physique en lien avec sa finitude. C'est juste une question de temps. C'est comme, par exemple, si on a la capacité d'avoir un plombier qui va déboucher un tuyau, bien, ça peut faire la différence entre l'eau qui circule ou pas, mais ça peut faire la différence entre le sang qui coule ou pas à travers le cœur et l'espérance de vie d'une personne. Donc, il y a une très grande différence entre les deux. En fait, le point que je voulais faire, c'est que ça me faisait penser à ma grand-mère maternelle. En fait, elle est décédée à l'âge de 99 ans et elle a eu un pacemaker qui lui a permis que son cœur continue de battre là, suffisamment dans les dernières années de vie. Grâce à cette invention technologique, bien, ça lui a donné sans doute des années de vie supplémentaires. Donc, s'il n'y avait pas ça, elle n'aurait pas eu ça. Puis, à cause d'un problème. Dans le fond, le cœur, il y avait un problème au niveau du battement, ben ça aurait pu l'amener à mourir, à décéder. Fait que vous voyez l'aspect technique. L'aspect technique est très important, mais au niveau historique, en lisant les livres, j'essaie de le prononcer comme il faut cette fois-ci, de Yuval Noah Harari. Lui, ce qu'il abordait, c'est que le fait que d'aborder la mort comme un problème technique, c'est vraiment récent dans l'histoire. Dans le passé de l'humanité, il y avait des superstitions pour aborder le phénomène de la mort, des croyances religieuses, etc. Et puis, la dimension de la mort comme phénomène technique, je trouve ça intéressant. Sauf que naturellement, Yuval Noah Harari, ben, c'est quelqu'un qui est athée. Donc, il va souvent ramener tout ce qui est concept à caractère occulte, spirituel ou autre, tout simplement de l'ordre de la croyance, de sa perspective. Je comprends sa perspective au niveau intellectuel, sauf que pour moi, c'est pas assez, c'est pas suffisant. Donc, mais c'est intéressant ces livres. J'en lis souvent à temps perdu parce que, dans le fond, ma compagne et moi, on va souvent se déplacer en voiture pour aller voir mes beaux-parents en résidence de personnes âgées. Puis lors du parcours, ben, je vais lire, alors que ma compagne conduit, des livres de Yuval Noah Harari. Ça dure depuis plusieurs mois. Puis, c'est intéressant de repasser tout en revue là, l'histoire de l'humanité, comme dans le livre Sapiens. Mais aussi les enjeux actuels, là, en lisant Nexus, ce qui est intéressant, c'est la question des théories naïves par rapport à la communication. À savoir que la croyance que plus que de communication, mieux c'est pas nécessairement vrai ou nécessairement réel. Parce qu'une croyance populaire qui est véhiculée à l'effet que plus que de communication, puis plus que d'informations erronées, puis plus que ça va être dévoilé, démasqué, puis ça va être s'ajuster. C'est comme si la communication amenait des correctifs automatiques, parce que s'il y a plus de gens qui parlent, il y a plus de points de vue, il y a plus de possibilités d'ajustement, mais c'est pas automatique. Il peut y avoir de la désinformation, etc., propagation de fausses nouvelles, d'une manière exponentielle puis virale. On emploie d'ailleurs l'expression qu'une vidéo est virale sur les réseaux sociaux, dans le sens qu'elle est virulente, un peu comme un virus. Bon, ben, la communication permet des dérapages, puis les utopies présentement qui sont véhiculées à travers l'importance des réseaux sociaux, puis de voir ça comme étant quelque chose de bon, c'est pas nécessairement le cas. Fait que j'aime beaucoup sa perspective critique dans son livre Nexus, qui est en lien avec les connexions entre les êtres humains, puis les impacts que cela a à différents niveaux, où à l'époque actuelle, il y a de plus en plus de moyens de communication, de plus en plus rapides aussi. Donc, il y a des enjeux par rapport à ça qui sont intéressants d'étudier. Mais pour ce qui est de la question de sortir de l'hypnose, c'est fondamental pour l'individu qui connaît un processus d'individuation, qui vit par rapport à lui, puis il y a à se libérer de l'influence d'autrui. Donc, puis des fois, ça amène à faire des mouvements contre-courant des autres. D'ailleurs, un des aspects de la psychologie étudiée implicitement à travers l'investissement en crypto-monnaie, c'est justement l'individu qui a une pensée divergente, l'individu qui est rebelle, qui est capable d'agir en dehors des cadres établis, qui ne suit pas la masse, bien, c'est précisément la personne qui peut s'enrichir par rapport à un cycle crypto dans une certaine mesure, dans le sens que lorsque, par exemple, dans les bulletins de nouvelles, il va être question d'un nouveau sommet inégalé a été atteint par le Bitcoin ou certaines crypto-monnaies, ça peut attirer des investisseurs qui vont vivre le FOMO, Fear of Missing Out en anglais, donc la peur de passer à côté de l'opportunité. Puis en regardant les chiffres récents comme de quoi que le Bitcoin monte, vont se mettre à en acheter. Or, pendant ce temps-là, les gens qui pensent à contre-courant vont voir ça comme étant l'opportunité de liquider le Bitcoin, d'autres altcoins, lors d'une période de montée parabolique liée à de la spéculation. Donc, les mains fortes conservent le Bitcoin ou les actifs pendant la période où c'est pas populaire, pour donner ça aux mains influençables ou aux mains faibles, lorsque les médias embarquent en lien avec ce qu'on va appeler les investisseurs institutionnels dans une certaine mesure qui peuvent être de connivence pour liquider les bitcoins, puis ensuite amener ces gens-là à faire des pertes alors que c'est à l'orée du cycle baissier. Il y a tout un stratagème derrière ça, puis de la manipulation. Naturellement, le marché de crypto, c'est un marché qui est très vicieux, mais aussi très éducatif par rapport à sa psychologie, son rapport à l'argent, son rapport aux gains, son rapport aux pertes, ainsi de suite. Donc, je ne dis pas d'investir en crypto, Je suis pas conseiller financier. Mon enregistrement présent n'est pas un conseil d'investissement, mais ce que je peux dire, c'est que depuis plusieurs mois, j'ai commencé à investir en novembre 2024 sur le Bitcoin, Ethereum, puis ensuite d'autres. Ça m'a donné l'occasion d'étudier ma psychologie, puis j'en suis venu à la conclusion que les gens conformistes, ça va être plus difficile pour eux de s'enrichir en crypto parce qu'ils vont dans le sens de la masse. Il faut idéalement agir à contre-courant, un peu comme la mentalité de Warren Buffett, c'est-à-dire quand les gens ont peur, puis l'indice du VIX est élevé, bien à ce moment-là, ça peut être l'occasion d'acheter des actifs de qualité à rabais pour, lorsque les personnes sont euphoriques, les revendre à profit. Donc, pensez à contre-courant. Chose que j'ai réussi à faire à un certain niveau. Bon, avant de crier victoire, je vais attendre de liquider mes actifs en crypto dans les prochains jours, hein, pour pas pécher par orgueil ou arrogance. Mais ce que je peux dire, c'est que par rapport à la plupart des crypto-monnaies que j'ai prises depuis plusieurs mois, le fait que j'ai investi dans la blockchain, je suis en zone de profit. Puis je surperforme le Nasdaq 100, entre autres, là, en tant qu'indice. Ce qui était mon objectif à la base. Mon objectif, c'était pas nécessairement de faire des fois 5, des fois 10, quoique ça peut être intéressant, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a qui vont faire ça, là. Tu sais, il y a des gens qui vont prendre, mettons, 10 000 $ par rapport à une crypto-monnaie, puis ça va devenir 100 000 fois 10. C'est des choses qui sont possibles. Mais le point que je veux faire, c'est que c'est probablement qu'il y a des gens qui, lors de la période dite de pandémie, n'ont pas voulu se laisser marcher ses pieds puis se faire forcer à porter le masque, se sont tenus debout. Bon, ben précisément, c'est ces gens-là qui sont capables d'agir au-delà de l'hypnose de masse qui suggère d'aller dans une direction, qui vont pouvoir s'enrichir à la différence de la plupart des investisseurs dans le domaine de la crypto-monnaie, tout simplement parce qu'une puissance de volonté poursuivre un agenda individuel plutôt que collectif. L'agenda collectif, c'est très simple, hein? C'est que dans un premier temps, par rapport aux crypto-monnaies, tu as des gens d'avant-garde qui les possèdent. Les grosses, dans le fond, entreprises institutionnelles, eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent? Ben, c'est faire de l'argent. Donc, ils achètent ça à des gens visionnaires reconnaissant la pertinence. Puis, une fois qu'ils accumulent des actifs qui évaluent de qualité, ben, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est les revendre à des particuliers. Puis, que les particuliers, par la suite, connaissent un effondrement après. Dans les jours qui suivent, ils s'en foutent. Ils veulent faire de l'argent. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des manipulations derrière ça. Puis l'objectif, ben, c'est naturellement ceux qui sont très riches de rester très riches en manipulant, entre autres, dans certains cas, les marchés avec des opérations pump and dump. Faire monter artificiellement le cours d'un actif pour ensuite le liquider. Ce qu'on va appeler des idiots utiles, des gens qui connaissent rien, ils entendent en parler, ah, le Bitcoin a monté, ou Solana, ou Ethereum, ils se mettent à en acheter en regardant que la courbe est montante, puis de laisser ça dans leurs mains, mais ça va s'effondrer, puis ils ne savent pas que dans les jours qui vont suivre, ça peut que ça fasse un moins 70 ou un moins 80 de dévalorisation, parce qu'ils connaissent rien, puis ils sont naïfs. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça marche, puis c'est des rapports de prédation. Les rapports de prédation au niveau financier pour que certains puissants conservent des actifs qui ont de la valeur pour en vendre ça à d'autres personnes, sachant très bien que par la suite, ils vont être dévalués, puis ils vont être hors perdants, mais eux autres, la priorité, c'est de faire leur profit. Mais en tout cas, c'est un monde intéressant à étudier. Mais l'hypnose de masse. Puis pour s'en sortir, c'est très simple, c'est d'avoir une puissance individuelle de volonté, de contestation. Naturellement, c'est pas tout le monde qui monte en puissance de volonté parce qu'il veut, mais parce qu'il peut. Puis pour le vouloir, puis le pouvoir, ça prend une mise en vibration, à mon avis, de l'esprit qui amène un changement au second niveau, qui permet à l'individu de se détacher du collectif. Puis pour vivre ça implique un changement vibratoire. Des livres de Yuval Noah Harari, c'est bien. Dans le sens de développer une conscience critique sur le plan intellectuel, mais c'est pas assez. Faut aller plus loin que ça. Il faut que l'individu trace sa propre voie dans sa vie. Faut pas qu'il soit à remorque du collectif. Et c'est ça qui fait la différence entre la personne qui est un initié ou pas. Quelqu'un peut être un initié dans le domaine de la crypto en sachant que les cours sont manipulés, qui est capable de faire preuve de contenance puis maintenir une position dans un cycle, en voyant clair par rapport au jeu de manipulation. Mais naturellement, dans le domaine des cryptos, comme dans d'autres secteurs, la personne ne peut pas dire qu'elle a réussi à sortir enrichie d'un cycle tant qu'elle n'a pas atteint ses objectifs. Si les objectifs impliquent de vendre certains titres qu'elle a achetés au préalable, ben, tant qu'ils ne sont pas vendus, le profit demeure théorique, il n'est pas réel, il n'est pas actualisé. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais je vais revenir à ma thématique principale. La question de sortir de l'hypnose collective, en fait, peu de gens vont y réussir, peu de gens y réussissent, et peu de gens s'y maintiennent aussi parce que c'est très facile de se faire récupérer par le collectif. Ça demande de la constance, de la vigilance, de la discipline individuelle à un certain niveau. Là, je vais clarifier les choses parce que ce n'est pas une discipline psychologique, c'est d'être capable de s'écouter avec impeccabilité. Mais peu de gens sont capables de tout ça, mais c'est ainsi, c'est la vie. En fait, ce qui permet à l'individu d'être en santé puis de être cohérent dans le temps, c'est de s'écouter. La société est gérée par des forces qui sont, dans certains cas, détrimentaires par rapport à l'individu. Nous n'avons que pensé à l'exemple collectif des campagnes de publicité des entreprises du secteur du tabac. Bon, mais pendant plusieurs décennies, les entreprises ont encouragé les gens à fumer. On n'a qu'à penser au mouvement des torches de la liberté, où on amenait des femmes à fumer la cigarette en disant que c'était une façon de s'émanciper. Ça amenait l'émancipation féminine de fumer. Il y a toute une campagne publicitaire qui a été articulée autour de ça. Par contre, naturellement, ben, la campagne ne mettait pas nécessairement l'emphase que ça pouvait générer le cancer du poumon. Et ça a été des années plus tard que les gens l'ont appris. Même il y avait déjà eu des médecins qui avaient été embauchés par des compagnies de cigarettes en disant que c'était bon pour la santé. Ça allait vraiment très loin, l'hypnose de masse. Il y a des gens qui ont cru à ça, puis aujourd'hui, il y a des médecins qui disent que c'est pas bon pour la santé. Mais l'essentiel, c'est que l'individu s'écoute, parce que la masse, c'est un peu comme une force aveugle qui est menée par le berger qui l'amène à l'abattoir dans certains cas. L'amène dans des situations qui n'est pas à son avantage. Et c'est en comprenant ça qu'on peut y voir plus clair. Donc, je vais arrêter de parler pour cette capsule. Je vous remercie de votre écoute, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.